Bonjour à tous et à toutes. Je suis encore content d'être là avec vous, comme chaque fois. C'est vraiment un grand privilège pour moi de vous visiter une fois par mois. C'est une grâce que l'Église aussi me fait. Et c'est vraiment pour moi une joie. Hier, on avait le brunch de One Heart. C'était vraiment aussi une bonne occasion de venir ensemble, tout à fait dans la simplicité, autour de quelque chose qui, dans l'Église et parmi les chrétiens à travers tous les temps, a été quelque chose de tout à fait essentiel, manger ensemble. Parce que partager le pain ensemble, et merci Danette d'avoir bien organisé les choses, partager le pain, on le fait parce que peut-être on a invité un étranger, quelqu'un avec lequel on veut partager le pain, mais on le fait surtout pour renforcer les liens dans la famille. Donc ce sont des bons moments et c'était vraiment très très bien. Maintenant nous sommes ici pour partager un autre type de pain, à savoir la parole de Dieu, Jésus le dit, n'est-ce pas? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de chaque parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et nous sommes dans cette série l'Église en service pour Dieu et nous sommes entrés dans le sujet des dons spirituels. Et effectivement, là, il y aurait énormément de choses à dire. Mais je vais essayer quand même, tant mieux que mal, je pense, à me tenir à mon sujet qui m'a été donné, qui est le don spirituel, les dons relevant de la puissance. Et ces dons sont trois, ces dons de la foi, dons des guérisons et dons, ou plutôt le don d'opérer des miracles. Et nous allons essayer de comprendre un peu qu'est-ce que cela peut être, mais il y a quelques préalables que j'aimerais poser afin que l'on puisse comprendre à quoi servent ces différents dons, quel est le véritable but de tout cela. Parce qu'au-delà de nous qualifier pour le service et nous aider dans des situations de service, il y a une réalité bien plus grande, bien plus importante que Dieu veut manifester à travers le don, à savoir l'avènement du royaume de Dieu, que le royaume de Dieu va de l'avant. Et le royaume de Dieu va de l'avant depuis le temps que Jean-Baptiste a annoncé que le Messie Jésus-Christ allait venir. Le royaume de Dieu est venu avec force par le ministère de Jésus-Christ, parce qu'il dit ceci: si c'est par le Saint-Esprit que je chasse le démon, le royaume de Dieu est venu parmi vous. Et la première prédication de Jésus-Christ, c'est: repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. C'est-à-dire, la manifestation de l'action de Dieu dans le monde est venue par le Seigneur Jésus-Christ, et c'est pour cela qu'il a guéri. C'est pour cela qu'il a opéré les miracles. C'est pour cela qu'il a manifesté sa puissance parmi le monde. Non pas justement pour faire des choses, mais pour manifester la réalité d'un autre royaume qui allait venir, un royaume de paix, de justice, d'amour, de vie, d'espoir. Et cela tout à fait en face du royaume de l'époque qui était l'Empire romain, qui s'était répandu par la conquête, par la puissance, par la guerre, par la torture, par des jugements arbitraires, ainsi de suite. Donc, un royaume d'une autre nature, et tous ces miracles que Jésus a opérés, toutes ces guérisons qu'il a fait, pointaient vers la même chose: Dieu fait irruption dans le temps, parce que Jésus-Christ, il est venu du ciel jusqu'à la terre, pour être ce que Dieu est dans le ciel, en marchant parmi les hommes. Et les dons spirituels, tels qu'ils peuvent encore se manifester aujourd'hui, n'ont absolument aucun autre but que de manifester que le royaume de Dieu va de l'avant, de nation en nation, de peuple en peuple, une langue après une autre. C'est un signe, pas une finalité. C'est la première chose que je veux vous dire. C'est un signe d'une réalité plus grande que simplement une action pour mettre plein la vue. C'est très, très important de retenir. Parce que, vous savez, et je ne sais pas si vous connaissez le dicton, qui dit « Quand le sage pointe vers le ciel, l'imbécile regarde le doigt. » Donc, quand le sage pointe vers le ciel, l'imbécile regarde le doigt. Et ce serait d'être semblable à l'imbécile si nous nous fixons trop notre attention à diverses manifestations des guérisons, des délivrances, des miracles. Ces choses sont des signes qui nous parlent de quelque chose d'au-delà de la terre. La réalité de Dieu, de ce qu'il est et ce qu'il veut se manifester parmi les hommes, et que le royaume de Dieu va de l'avant dans le cœur des hommes et qu'il les délivre des ténèbres. Parce qu'il n'y a pas de plus grand miracle que lorsque un homme, une femme se donne au Seigneur et que sa vie est transformée, qu'il est délivré des ténèbres et qu'il est amené dans le royaume de lumière de Jésus-Christ. C'est le plus grand des miracles. C'est pour cela que Jésus-Christ est mort, afin que ce miracle puisse avoir lieu. Il est mort pour nos péchés et c'est pour cela qu'il est ressuscité, parce qu'il est aussi mort et ressuscité pour notre justification. Romains chapitre 4, verset 25. Donc, ça c'est un préalable très très important, parce que dans des moments charismatiques, on court après le miracle, on court après le surnaturel, on est tellement attaché à ces choses-là que moi je me demande, est-ce qu'il poursuit Dieu ou est-ce qu'il poursuit les sensations? À vous de juger, moi je pose simplement la question. Quelques autres préalables par rapport aux dons spirituels. Il est dit ceci, et ça c'est l'autre côté, parce qu'il y a ceux qui disent ah, le don spirituel c'était pour le temps des apôtres, maintenant plus rien. Nous avons la parole de Dieu et cela nous suffit. C'est vrai, moi je pourrais me mettre de ce côté-là. Moi je dis que la parole de Dieu me suffit. Tout ce que la parole de Dieu me dit me suffit amplement. Je n'ai pas besoin pour moi, pour ma foi, pour ma relation avec le Seigneur, d'avoir des signes, des miracles et des prodiges. Pas du tout. La parole de Dieu me suffit. N'empêche que la parole de Dieu nous dit ceci, et c'est pour cela que nous devons être obéissants. Comme John Piper le dit, quand on lui pose la question, est-ce que tu crois à l'existence des dons spirituels? Il dit, mais la parole de Dieu nous dit que nous ne devons pas rester dans l'ignorance, et comme nous en voyons tout à l'heure, la parole de Dieu nous dit que nous devons aspirer d'après les dons. Alors, je crois, je reçois, je m'incline devant la parole, alors, il ne faut pas que nous restions dans l'ignorance. Il ne faut pas que nous restions dans l'ignorance dans le fait que Dieu, il n'a pas cessé d'agir d'une manière ou d'une autre. Et qui sommes-nous à dire à Dieu, écoute, maintenant que tu nous as donné ta parole, ce dont tu parles dans ta parole, on n'en veut pas, on n'en a pas besoin. Je ne suis pas en train de me contredire. Je dis que moi, oral, je peux vivre sans les miracles, mais j'aimerais en voir encore davantage. Donc, que nous ne soyons pas dans l'ignorance, et c'est pour cela que c'est formidable que Francis Chan, par exemple, a écrit le livre qui s'appelle « Le Dieu inconnu ». C'est une bonne manière de sortir de l'ignorance, peut-être de la crainte des manifestations surnaturelles, si on ne sort pas d'un milieu où toutes ces choses-là sont courantes. Ça, mais moi, je suis un ancien pasteur de Pentecôte, hein. Donc on parlait de baptême de l'esprit, de dons spirituels et tout cela, tout le temps. J'en ai prêché plein là-dessus. Mais d'autres, il vient d'autres circonstances et ce n'est peut-être pas évident. Mais le Seigneur ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance, mais que nous apprenons. Et c'est pour cela que c'est très bien que William a choisi que nous parlons des dons spirituels. Deuxième chose, c'est que si, comme je disais tout à l'heure, les dons spirituels montrent une réalité au-delà des choses de la terre, il y a un autre but aussi pour ces dons, c'est l'utilité commune. Et ce qui est important de dire dans un moment temps plutôt, parmi une génération où l'individualisme est vraiment monté au sommet. C'est moi, je et moi-même, et tout ce que je peux montrer que je suis. Ou plutôt simplement montrer, on a chanté là tout à l'heure, je renonce à toutes mes apparences, mes faux semblants. C'est de penser, c'est important dans ce moment, de penser que l'Église est un collectif. L'utilité est commune. Si Dieu me donne à exercer un don spirituel, c'est pas pour que moi je me gargarise de le fait que le Seigneur a pu m'utiliser ou que je me mette en avant. C'est un don pour le service du corps de Christ aussi. Donc c'est utilité commune. Et ça, c'est important que je garde ça dans l'esprit quand je prie pour que le Seigneur me permette de servir dans les dons spirituels. L'utilité commune. C'est tout à fait la même chose que Paul dit, que chacun, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ouf, comme des bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, mettez-vous au service les uns des autres. C'est pareil avec les dons spirituels. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant en chacun en particulier, comme il veut. Il est toujours important d'établir la souveraineté de Dieu en toutes choses. La souveraineté de Dieu aussi dans ce qui concerne les dons spirituels. Ce n'est pas de mon vouloir, ce n'est pas de mon désir, ce n'est pas de mon fait, de mes faits, mais c'est comme il veut. C'est la volonté de Dieu qui se manifeste lorsque quelqu'un exerce les dons spirituels. C'est lui qu'il voit le besoin dans l'Église et il choisit l'un ou l'autre pour se manifester. Non pas peut-être que cette personne est meilleure ou quelque chose de particulier. Le Seigneur, il prend qui il veut, il sert de qui il veut, quand il veut, comme il veut, pour sa gloire. Donc, ça le relève de sa volonté. Et est à nous d'aspirer et de rechercher ces choses. Donc, puisque la parole de Dieu nous dit, recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, et surtout celui de la prophétie, bon, on n'en parlera pas. Donc, c'est une exhortation que je ne peux pas contourner. Mais d'abord, il dit, recherchez l'amour. Parce que exercer les dons sans amour, c'est une catastrophe. Parce que l'amour pense toujours à l'autre. L'amour pense toujours à l'utilité commune. L'amour se dit, mais comment est-ce que moi je peux aider l'autre et manifester quelque chose de la part de Dieu pour mon frère, pour ma soeur ou pour ceux qui ne le sont pas encore. C'est pour cela qu'il est dit, aspirez aussi aux dons spirituels. Et vous savez que le chapitre 13 de Corinthiens, ça parle particulièrement de l'amour. Donc, l'exhortation, c'est d'aspirer. Aspirer, c'est vraiment un désir profond, c'est une ambition d'être utilisé par Dieu d'une façon qui honore, qui glorifie son nom et qui bénit les hommes. Donc, ceci dit, il y a quelques autres petites choses que j'aimerais mettre en avant quant aux dons spirituels, et ça, c'est une phrase que j'ai trouvée assez intéressante. C'est l'ancien archevêque de Canterbury, c'est-à-dire de l'église anglicane en Angleterre. Il dit ceci, « Pourquoi les églises pentecôtistes croisent-elles à un rythme aussi phénoménal? Est-il possible qu'ils aient les dons de l'esprit que nous n'avons pas ?» Et cela doit dater un peu quand même, parce qu'ensuite, il y a eu un mouvement charismatique, un mouvement de l'esprit aussi au sein de l'église anglicane. Mais on ne peut pas ignorer le fait que les mouvements de Pentecôte qui ont ressurgi au début du siècle dernier, autour de 1900-1910, ont eu une croissance phénoménale par rapport, par exemple, à l'église catholique qui est là depuis 2000 ans. En un peu plus de 100 ans, les églises qui croient dans les dons spirituels, qui ne sont pas sécessionnistes, qui pensent que Dieu il agit dans tous les dons encore aujourd'hui, ils sont allés de 0 à 500 millions. De 0 à 500 millions. Et ils continuent à croître. Et ce sont ces églises-là qui croissent essentiellement dans le monde aujourd'hui. C'est pour cela que la question que moi je vous livre comme cela et que peut-être que vous allez vous demander aussi, est-ce qu'il y a quand même là quelque chose d'intéressant, quelque chose de vrai, quelque chose que je devrais demander à Dieu d'expérimenter? Une vie de l'esprit différente, plus profonde, et un équipement au service de Dieu pour sa gloire. Service de Dieu. Parce que Dieu nous appelle et Dieu nous parle pour que nous ne restions pas inactifs en pensant qu'il n'y a là rien pour moi. Vous savez, Dieu n'a pas de chouchou. Je suis prof, hein, et je ne peux pas m'empêcher d'avoir un intérêt un peu plus grand pour certains de mes élèves, j'ai des sixièmes, parce qu'ils sont particuliers, un peu plus que peut-être pour celui qui est un peu difficile de travail. Je ne devrais pas, mais c'est humain. C'est humain. Mais il n'en est pas ainsi pour Dieu. Chacun d'entre nous sent d'une façon égale dans son cœur, parce que Dieu ne peut pas être variable dans son amour. C'est impossible. Il n'y a chez lui ni changement, ni ombre de variation. Jacques 1, 17. Tout don parfait, toute grâce excellente descend du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc, il ne peut pas t'aimer un jour et demain ne pas t'aimer. Parce qu'il n'y a rien que tu puisses faire qu'il t'aime plus, il n'y a rien que tu puisses faire pour qu'il t'aime moins. Dieu est égal à lui-même tous les jours. Donc, il n'a pas de chouchou. Donc, il y a quelque chose pour toi. Il y a un éventail de ministères. Il y a des choses que tu n'as pas encore découvertes. Moi, à 56 ans, je continue à découvrir les choses dans lesquelles moi je peux servir. Ce ne sont pas les mêmes quand j'avais 23 ans, quand j'allais à l'école biblique, que maintenant quand j'ai 56 ans. Ça change. Mais ce qui ne change pas, c'est que le Seigneur nous utilise et nous équipe pour sa gloire et pour le bien des hommes, par son esprit, par sa parole, par la communion fraternelle. Le plus important, c'est d'aspirer. Au début de chaque semestre, je demande aux élèves, « Alors, quelles sont tes ambitions pour cette année ? Quelles sont tes ambitions pour la fin de l'année scolaire ? Où est-ce que tu veux être ? Combien de points veux-tu avoir à la fin ? Surtout à ceux qui sont en troisième, qui doivent aller au lycée après. Alors, où est-ce que tu veux être ? Est-ce que tu as des ambitions ou tu vas simplement poireauter et ensuite, nous on a l'habitude un peu cruelle, on dit, donc si tu ne travailles pas, après tu as un choix, c'est-à-dire tu as le choix de devant quel magasin tu vas faire le mendiant. Ça sera ton choix. Tu fais Monoprix ou tu fais Franprix. C'est là, si tu ne travailles pas. Donc quelles sont tes ambitions ? Nous avons tous dans la vie des ambitions, du moins je l'espère. Et cela, c'est à cela que nous mettons notre énergie. C'est à cela que nous mettons notre désir d'aller en avant. Alors, aspirons à servir le Maître, car celui qui aspire, le Seigneur lui donne du travail. Et avec le travail, il donne les moyens de l'accomplir. Parce que tu ne feras pas ça, son œuvre, dans ta propre force. Tout simplement parce que tu es incapable. Moi, je suis incapable de servir le Seigneur à sa gloire par moi-même, parce que je suis un pécheur. Et la justice que j'ai, c'est la justice du Christ. Donc, je ne peux même pas me tenir devant Dieu sans Jésus, parce que je n'ai rien à dire devant lui. Mais je dis, Jésus est mort pour moi. Il a pardonné mes péchés. Ainsi, je peux m'approcher de Dieu, non pas sur un trône de jugement, mais un trône de grâce. Alors, il nous donne ce qu'il faut pour qu'on puisse effectuer le travail. Et lorsque Dieu nous donne ces dons spirituels, Ça ne dépend pas de nos mérites personnels. C'est juste pour répéter encore une fois. Ça ne dépend pas de nos mérites personnels. C'est la volonté de Dieu. Et les dons spirituels, voilà, pour dire encore, qu'est-ce que l'utilité commune? L'exhortation, l'encouragement, l'instruction, consolation, conseil, direction, guérison, délivrance, paix, bénédiction du Seigneur. Tout cela doit servir au bien des enfants de Dieu pour glorifier le Seigneur. Je ne cesserai jamais de dire, nous travaillons pour la gloire de Dieu et pour la bénédiction des hommes. Si nous avons d'autres buts dans ce que nous faisons, alors nous devons nous arrêter et nous dire, mais pourquoi est-ce que je suis là en train de servir? Alors, nous avons donc trois dons. Le don de la foi. Il est ici important de dire que le don de la foi en tant que don spirituel n'a rien à voir avec la foi qui sauve. C'est-à-dire cette foi que Dieu me donne à l'écoute de la parole de Dieu qui me permet de saisir la grâce de Dieu et de devenir un enfant de Dieu. Cela est aussi un don. Ce n'est pas par vous-même que vous sauvez, mais ce n'est pas la grâce de Dieu, c'est un don de Dieu. Éphésiens chapitre 2 et verset 8. C'est vrai que la foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc cela fait naître la foi pour que je devienne un enfant de Dieu. Mais ça, c'est une foi pour une occasion spécifique que le Seigneur nous donne d'être saisi d'une conviction spéciale pour quelque chose auquel on ne peut pas. Je ne pourrais pas humainement croire que ce serait possible. John Wimber, qui était le responsable des églises Wynyard, il dit ceci, c'est la mystérieuse montée de confiance qui survient parfois chez une personne confrontée à une situation ou un besoin spécifique. Je pense que c'est quand même pas mal comme définition. Donc, c'est au-delà de la foi. Ce n'est pas la foi qui me sauve, ce n'est pas au-delà, c'est un autre type. Et pour le don de la foi, il faut déjà avoir la foi, être un enfant de Dieu pour en vivre. Ça peut concerner soi-même, pour sa propre vie, ça peut concerner d'autres, ça peut concerner des projets chrétiens. Par exemple, le financement de la construction d'une église. Moi, je pense qu'il faut une certaine mesure de foi pour avoir eu ce sanctuaire dans lequel nous sommes aujourd'hui. Est-ce que cela relevait d'un don spécifique de ceux qui ont dit « Lèvons-nous et construisons » Moi, je pense que c'est quand même une impulsion du Seigneur qui l'a permis, sinon on ne serait pas assis ici aujourd'hui. Donc, la foi, ça veut dire aussi fidélité et constance. C'est une persuasion ferme, la conviction qui est basée sur ce que l'on entend. Non pas ce qu'on voit, c'est sur ce qu'on sait, mais ce que nous entendons et ce qui vient, ce qu'on entend, vient de la parole de Dieu. La foi est une ferme assurance de choses que l'on ne voit pas, une démonstration de ces choses-là. Et cette foi est attissée et renforcée par la parole de Dieu. C'est pour cela qu'on doit écouter à la parole et aussi lire la parole, se saturer de la parole, parce que c'est là que Dieu va nous parler, nous interpeller et nous donner la foi. Est-ce que moi, personnellement, j'ai vécu un moment d'être saisi comme cela par le Seigneur? Moi, je laisse au Seigneur un jour me dire si c'était un moment de foi ou pas. Je crois que les porteurs d'espoir, vous avez peut-être entendu parler aujourd'hui, le porteur d'espoir aussi est une église dans le 17e. En 2003, on était dans une réunion avec des directeurs de deux centres demandeurs d'asile et ils nous ont dit ceci, ça fait 10 ans que nous existons, nous n'avons jamais pu faire une fête de Noël pour nos enfants, est-ce que vous pouvez nous aider? Je dis, nous on l'a déjà fait, donc oui, on pourrait sans doute vous aider. Ils nous montrent une amphi de 50 places, ils disent, oui, vous pouvez faire une fête d'enfants pour 50 enfants. Je dis, 50, ça nous paraît peu. Et je dis, mais on a 2000 enfants. Et à ce moment-là, nous avons dit ceci, nous allons faire une fête de Noël pour 2000 enfants. Ensuite, le gars, il a dit, mais attends, C'est 2000 enfants. Il y a aussi les adultes. Donc, ça fait 4000 personnes. Vous faites une fête de Noël pour 4000 personnes? On avait déjà dit oui. Alors après, tu ne peux pas dire... Je savais pas qu'il y avait autant. Non, on avait dit oui. Et on avait dit oui avec quoi derrière nous? On était deux personnes. On n'avait pas un seul rond dans la poche. On ne savait pas où le faire, ni comment le faire, avec qui le faire. On n'avait pas de cadeau. On avait zéro. Et on avait dit oui. Le 21 décembre 2003, il y a 2600 personnes qui sont venues. Il y a 19 associations qui sont venues à nous. On a eu 250 bénévoles. On a eu le plus grand studio, le studio 217 sur la plaine Saint-Denis qui coûte des milliers et des milliers d'euros par jour. On a eu 10 jours gratuitement. Tout est venu. Tout est venu, du début jusqu'à la fin. On est parti de zéro et on a fait une fête de Noël pour 2600 personnes. Vous savez, si quelqu'un me racontait ça, je dis, mais attends, c'est vraiment arrivé? Moi, j'ai du mal à croire, mais j'y étais là pendant tous ces processus. Et ça continue avec maintenant Elisabeth qui était avec moi à l'époque, Elisabeth Dominguez qui est le responsable maintenant. Oui, on peut être saisi pour quelque chose qui est une folie pure. Et de cela, comme je dis, est issu aujourd'hui, il y a l'église des porteurs d'espoir dans le 17e. Moi, je pense que c'est au moins le plus proche exemple que je peux dire d'un exercice de don de la foi. Moi, je n'avais pas de foi. C'est le Seigneur qui nous a donné. Voilà. Ça m'est arrivé une fois. J'en ai pas eu d'autres moments comme cela. Les dons des guérisons, ce qui est assez intéressant, c'est que le seul don de neuf qui est au pluriel, don des guérisons. Et bien sûr, c'est d'apporter une définition, apporter un remède surnaturel aux malades, physique, spirituel ou émotionnel. Rendre entier dans le sens le plus complet du terme, sauver de la maladie et ses effets. Je crois que ça, c'est David Yonguishu qui avait dit. Je ne me souviens plus. Oui, il me semble. Donc, don des guérisons, c'est d'apporter la guérison. Évidemment, cela nous paraît tout à fait normal. Mais don des guérisons, parce que l'homme est un être complexe. On n'est pas simplement corps, il y a un esprit aussi. Et il y a les maladies du corps de différentes sortes, mais aussi les maladies de l'esprit, de l'amertume, de la culpabilité, de choses qui nous minent. On peut être délivré instantanément par le Seigneur, par aussi si le Seigneur nous donne la foi. Comme ça, je me souviens d'une femme à Nice, elle avait un kilo de médicaments tous les jours à manger, j'exagère à peine. Elle était dépressive depuis des années. Elle vient, elle écoute la parole de Dieu. Elle a fait un truc de folie. N'importe quel médecin va dire, mais t'es dingue. Mais elle dit, elle se levait, elle dit, je jette le médicament, je n'en prendrai plus. Saisie par la foi, saisie par le message de la guérison, et depuis, elle n'a jamais eu besoin des médicaments. Bon, normalement, des médicaments comme cela, il faut les prendre doucement, doucement, doucement et arrêter. Hein. Mais ça peut arriver. Lorsqu'on est saisi de foi ou que Dieu il vient avec sa guérison. Il y a aussi donc, des maladies de l'âme, découragement, l'inquiétude, la jalousie et autres choses qui détruisent. Le Seigneur, il peut nous délivrer. Est-ce que j'ai vu des guérisons? Oui. Je priais pour les gens, ils ont été guéris. Parfois, je n'avais absolument aucune idée que cela s'est fait. Je me souviens d'un monsieur, il s'appelait Monsieur Murania. Mes fils se souviennent sans doute. Monsieur Murania, c'est un vieux Sicilien et quelques années après avoir quitté Nice, je l'ai appelé juste pour avoir de ses nouvelles. Il dit, Oral, tu te souviens, tu as prié pour moi et j'ai été guéri. Tu as imposé les mains et j'ai été guéri. Je dis, ah bon? J'avais aucune idée. Parce que vous savez, l'important... C'est pas celui qui agit, c'est pas l'instrument, c'est la gloire de Dieu et le bien des hommes. J'avais aucune idée. Une autre occasion, ça c'était peut-être un peu plus banal, mais c'était assez significatif. On était dans un camp de jeunesse. Il y a un jeune qui est saisi d'une espèce de rage. tache dans le pot, il est rouge partout, il a une allergie, mais formidable. Il dit, viens, Aurel, prie pour moi. Je lui impose les mains, je prie et il part. Sur le coup, je n'ai rien vu. Après, je ne sais pas, 30 minutes, il revient vers moi et dit, regarde Aurel, regarde, c'est parti, il n'y a plus rien, sauf. Et vous en faites ce que vous voulez, mais je ne peux pas faire autre chose que raconter ce que j'ai vu. Tout ce qui restait de ces allergies, c'était un point rouge ici et un là. Comme si c'était pour nous rappeler que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'était comme si Jésus dit, oui, j'ai été crucifié pour aussi tu sois guéri. Ça, je me souviens toute ma vie. C'était tellement extraordinaire. C'est arrivé une fois. Donc, oui, je crois à ce don-là. Oui, je crois que Dieu, il veut nous se servir de nous. Le don d'opérer les miracles, celui-là est un peu plus mystérieux. Vous savez, Jésus, il a guéri, Jésus, il a fait des miracles. Les miracles, c'est lorsqu'il transforme, par exemple, l'eau en vin, lorsqu'il marche sur les eaux, lorsqu'il ressuscite des morts. Ce qui est dans le miraculeux, c'est que ça va à l'encontre des lois physiques et lois naturelles connues. C'est ça qui est essentiel à un miracle. Ça va contre de tout ce que l'on connaît du fonctionnement du monde. Un événement remarquable et surprenant qui se produit par l'intervention directe de Dieu et qui ne suit pas donc les lois générales de la nature. Ça vient du dynamis. Dynamis, ça veut dire, vous savez, on a dynamite. C'est Alfred Nobel, c'est un Suédois d'ailleurs qui a inventé les dynamites, comme vous le savez. J'allais dire cocorico. Ça signifie donc la capacité, l'abondance, le pouvoir, la force et une œuvre puissante. Est-ce que j'ai vu des miracles? Non. Je n'ai jamais vu quelqu'un marcher sur les eaux. J'ai essayé, j'ai tombé et j'ai dû nager. Je rigole. C'est quand j'allais à la piscine. Est-ce que j'ai vu un mort ressuscité? Non, mais j'ai fait plein d'enterrements. Est-ce que j'ai vu l'eau être transformée en château Pétrus? J'aurais bien aimé, mais je n'ai pas assez d'argent pour aller m'acheter une bouteille. Mais c'est ce que je dois faire, ou un Romane Conti, à partir de 1000 euros la bouteille. J'aimerais bien... Faire Romane Conti, ce serait formidable. Non, j'ai jamais vu ces choses-là. Je n'ai pas vu de miracles. Je n'ai pas vu des miracles. Et pourtant, j'en ai vu plein de miracles. Des miracles des hommes et des femmes qui sortent des ténèbres parce qu'ils ont entendu la parole de Dieu. Ça a fait naître la foi dans leur cœur. Et ils se sont donnés au Seigneur. Leur vie a été entièrement transformée. Ces gens des miracles, j'en ai vu plein. J'en ai vu plein. Et ça, c'est le plus grand des miracles. Pourquoi je suis un peu circonspect par rapport aux miracles? Tout simplement parce que ce mot « don d'opérer des miracles » ne se trouve qu'une seule fois dans la Bible. Ici, dans cette liste de dons, de manifestations. Aucune explication détaillée nous est fournie. Bon, on dit Jésus, il a marché sur les eaux, il a transformé le vin, il a ressuscité les morts, il a chassé les démons. C'était Jésus. Et c'était pendant un moment où vraiment le royaume de Dieu devait se manifester. Chasser les démons, oui, ça j'en ai vu. Ça c'est autre chose. Si ça c'est un miracle, je ne saurais. Ou si c'est une délivrance, peut-être. Je ne peux pas définir les choses. Mais vous savez, herméneutiquement, c'est-à-dire les principes de l'interprétation de la parole de Dieu, lorsqu'on voit une chose une seule fois, même si c'est dans une liste, de plein d'autres choses, nous devons être extrêmement prudents et circonspects par rapport à une explication ou d'aller trop loin dans ces choses. Tout simplement parce que là où la Bible se tait, il n'est pas sage de parler. Là où la Bible ne dit pas grand-chose, Alors moi, qui suis-je, moi, de commencer à en rajouter des tonnes? Je pense que Dieu, il peut faire un miracle, évidemment, parce que rien n'est impossible à Dieu. Mais moi, je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est. Je crois que Dieu, il peut nous donner, peut-être même, de voir une mort ressuscitée. C'est dans les cordes de Dieu. Ça, c'est sûr. Malheureusement, ce n'est pas arrivé à Bethel, pour cette pauvre petite fille dont vous avez entendu parler et que tout le monde a entendu parler. Donc, là, moi, je dis prudence. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne veux pas parler davantage. Je préfère dire passe. Malgré tout, je crois au miracle. Alors, pour terminer, il faut quand même être un peu plus concret, je pense. C'est un peu petit, non, c'est plus grand là. Je crois qu'il est important que nous prions Dieu pour nous aider. Moi, j'ai besoin à ce que Dieu me renseigne, surtout en ce qui concerne les miracles, parce que pour l'instant, je n'ai pas vu, j'aimerais bien voir des choses miraculeuses. J'aimerais bien voir le soleil reculer comme un des rois d'Israël. J'aimerais bien voir des choses dans la nature qui défient le bon sens, enfin l'intelligence de l'homme. On a besoin de demander à Dieu de nous aider. Et c'est vrai aussi, j'ai dit aspirer, et nous devons vraiment saisir cette exhortation. Aspire au don. Et pour cela, il faut réserver du temps pour que Dieu puisse nous parler, puisse te parler, parce que Dieu, il veut te parler. Et aussi, confesser tout péché, toute peur, tout doute ou toute incrédulité. Doute et incrédulité, ce n'est pas la même chose. Donc, confesser ça devant le Seigneur. Dis, Seigneur, je veux que tu te sers de moi, mais tu sais, j'ai des doutes. Et un fort désir pour ce don. Vous savez, ce dont on désire, on le demande. Hier, vous savez que j'ai un énorme amour de ma vie, elle s'appelle Louise. Hier, on s'est promené et elle a vu un ballon à moitié gonflé, dégonflé. Et elle crie « Ballon !» C'était un des mots qu'elle connaît bien. Et on dit « Non, non, c'est ce ballon, on va te donner un autre, enfin, il n'est pas beau et tout ça. » Et on marche, elle se retourne, elle regarde encore le ballon. On marche encore peut-être une dizaine de mètres, une quinzaine de mètres, elle se retourne encore et voit. Elle désirait ce ballon, elle voulait vraiment avoir ce ballon. Mais elle a compris, parce que c'est une fille extrêmement intelligente, n'est-ce pas? Je suis quand même son grand-père. Donc, elle a laissé tomber le ballon et elle a eu un très joli ballon à la maison. Mais c'est quelque part cette simplicité enfantile de désir de quelque chose. C'est désir et, je veux dire, c'est pas entaché de quelque chose de mauvais chez un enfant de cet âge-là. Et il y a un fort désir de ces choses. Et ensuite, attends ce que Dieu t'utilise. Parce que si tu le désires, il va le faire et ça va te surprendre. Ça va te surprendre. Et aussi, travaille avec les gens qui pratiquent le fond don spirituel, qui croient dans ces choses-là. Et apprends d'eux, discutez avec eux. Et le huitième, là, c'est important, restez toujours enseignable. Ça, c'est dur, hein, surtout pour un vieux comme moi, de toujours rester enseignable et recevoir. Et finalement, extrêmement important, travailler selon une ligne directrice et les cadres définis dans les dirigeants dans ton église. Parce qu'on n'est pas des free riders, on ne fait pas par nous-mêmes, on est dans un ensemble. Je commençais mon message pour dire qu'on fait partie d'un collectif, on travaille pour l'utilité commune, on a besoin les uns des autres. Et on a besoin aussi dans le cadre d'exercice des dons spirituels parfois d'être cadré. Et on est cadré par les frères et sœurs dans l'église, surtout nos aînés. Et on doit leur donner aussi le droit de dire au oral, écoute là, je pense que tu exagères un peu, ce que tu as dit là, ce n'était pas tout à fait correct. Et ne pas s'offusquer, parce qu'on est là pour travailler les uns pour les autres. Oui, je crois au don spirituel. Oui, je pense que Dieu il agit encore aujourd'hui, bien que il faut que nous soyons sages et prudents. Et n'oublions pas que lorsque les sages pointent vers le ciel, nous ne devons pas regarder le doigt, nous ne devons pas regarder les dons en premier lieu, mais tout ce que cela nous raconte de la gloire et de la puissance de celui qui nous a sauvés une fois pour toutes. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Prions. Seigneur, tu connais nos cœurs, tu connais nos pensées. Tu connais, Seigneur, tout ce qui tourne dedans de nous et combien, Seigneur, parfois, par rapport à ces sujets des dons spirituels, nous pouvons être hésitants, même incrédules, peut-être dire, mais cela a été du temps des apôtres aujourd'hui, la parole nous suffit et effectivement, ta parole nous suffit. Mais Seigneur, pourquoi aurais-tu arrêté d'agir par ton esprit de différentes manières? Seigneur, apprends-nous à ce que tu veux que nous apprenions. Enseigne-nous, Seigneur, afin que nous ayons une bonne connaissance de ces choses-là, puisque tu nous dis, tu ne veux pas que nous demeurons dans l'ignorance quant aux dons spirituels. Et Seigneur, si nous sommes dans l'ignorance, je te prie, renseigne-nous, éclaire-nous, parle-nous par ta parole et ton Saint-Esprit. Aide-nous de saisir ces choses et de vivre une vie spirituelle pétillante, brûlante, fervente dans ce monde qui se meurt dans le péché et dans les ténèbres. Seigneur, merci d'être avec nous aujourd'hui et nous aider de comprendre et saisir ce que tu veux faire dans nos vies. Au nom de Jésus, Amen.